idée elle est simple, les frères se la mettent, les frères se la mettent, nos mères se la mentent, je veux placer ma barre là où personne l'a mise, là où personne l'a mise, que personne avance, envie de posséder ce que personne avait. Ils gardent le ballon, ils sont perso à vie. Mais Martin Y, elle est persuadée que je vais faire dans le rap ce que personne a fait. Hein? Les chiffres du charbon sont honorables, les donneurs de go ont une bonne oreille. Tu vas te faire charcler comme dans Gomorrah, t'emporteras pas tous tes honoraires. C'est qu'elle bande toujours pour le plus gros bif, et qu'elle bande toujours sur la plus grosse table, et qu'elle monte toujours sur la plus grosse bite. Je vois bien ma carrière dans les plus grosses stades. Je suis réglo dans mes affaires frelons, réglo dans mes affaires frelons. La hagra ça paye, j'ai le filon, je vais te casser les reins sur le filon. La hagra ça paye, c'est très gosse isolé, pas trop sans s'isoler. Mon frelon, la hagra ça paye, fidèle au gang, l'heure de se faire la boucle va sonner. Mon frelon, la hagra ça paye. Les hagras sont pichés, mon squat accomplisse. Machete, tu vris comme les Guadacovis. Tu tapes pas ton vice. Au sous-sol, saccage, j'y pas une industrie sur le quad à mon fils. Libérez sa main, libérez sa main. Airbag en 93, monte le réseau. La rue a ses raisons. Pas d'égophage, j'envoie le pipeline. J'ai des plombs en livraison. Fais chauffer la blague, quand je raisonne madame. Rafale sur John Wick, sur Jason Saddam. Le bon suit le clic, fais monter Sam Sam. J'ai slalom et Panama, shalom et salam. Barré de diamants et mercé de platine. On rend du boulot, j'ai creusé la mine. Que les rumeurs s'asseyent, des fois je pars à Marseille juste pour un repas de faire chez la mère à Yamin. Tu l'as pas vu venir, frange à ta fabrigade. Une messagerie pleine, un assos qui tape. 30 secondes sur l'eau de Mars, ça part en looping. C'est pas les alès comme sous le king à la brigade. C'est qui serait gosse isolé, pas trop sans s'isoler. Mon frelon, la hagra ça paye. Fidèle au gang, l'heure de se faire la pouca va sonner. Mon frelon, la hagra ça paye. Mon frelon, la hagra ça paye. Et tournante, y'a du bon shit, les taros négocient avec des têtes à claque. Ben ouais, y'a pas que les rumeurs qui vont trop vite, y'a les embrouilles aussi salopes, reste à ta place, y'a du sang sur la feuille pour avoir ce qu'on a. Tes jambes à ton cou à la vue d'un grenade, la vengeance est facile, 300 eux la grenade. Gentil n'a qu'un œil, y'a du haine au con œil. C'est des vendeurs d'hommes qui se font passer pour des vendeurs d'âmes, on peut prendre leurs dames pour prendre leurs dos. T'en fais les gifler comme les tarons devant les gendarmes, de mes Félix Bluff. Castellane, Bucerine, centre-ville, plan d'art, on est tous avec moi, je fais du sale, je nettoie, les sous les quoi. Rien à leur envier, très peu sont loyaux. Et le ghetto n'a pas donné que des joyaux. Au cœur de la rue, pourtant je suis le noyau. Tu suces la vie des rappeurs et des voyous. C'est ragard des faibles, on connaît ta rêve. Puis tu finiras en hassolo à la rue plus. Chacun sa défauteau, chacun ses buts. La hagra ça fait qu'avec des gros fils de pute. On t'a pas demandé ton avis, on rentre chez toi sans casser la vitre. T'as pour capi de la moitié de la ville, c'est bizarre que ce soit encore en ville. Blablabla, que des blagues, des putes hystériques, rien à faire. Ra ra ra, dans leur mer c'est tout ce qui mérite. Mon frelon, la hagra ça paye. C'est qui serait gosse isolé, pas trop sans s'isoler. Mon frelon, la hagra ça paye. Fidèle au gang, l'heure de se faire la pouca va sonner. Mon frelon, la hagra ça paye. Mon frelon, la hagra ça paye. Sont ton livret de famille menacée. Aucune affaire cassée, déplacée. Les vengeances on les veut glacer.